Où te caches-tu, Libertad? Dans une barre ou dans un ravin? Peut-être dans un champ de canne, dans un café, dans une soutane. Te quiero, mi libertad. Te quiero, mi libertad. Et je suis fou de toi, fou de moi, parent. Fou de toi, fou de moi, fou de moi seulement. Parents, dis-moi seulement. Mais Castro n'est pas content, je l'apprends. Dis-moi seulement.